griffes sur mes poings fermés. Je n'ai pas calculé le poids du premier objet lourd qui attaquera. Mais qui me veut du bien, qui me veut du bien, finit souvent en assassin. Lui le bienveillant, lui a bien voulu, a fait du mal aux gens. Personne ne râlait quand la route est passée. Parallèle en France, les chemins de pauvreté, nos sommeils ressemblent à des japonais. Mais qui a décidé, qui a dessiné les plans de mon quartier? Lui intelligent, fierté de ses parents, a séparé les gens. Me divise-le, il en reste encore. Sépare-le, il devient plus fort. Partage-le, il partage tout. Si nous tardons à nous réveiller, je les ai vus dans les maisons, cacher le sommeil de tout un Japon. Mais oh, c'est violent sur la vie, rien de tout ce qu'on m'avait appris. Calcule les divisions, ça va m'en résolu pour tuer un Japon.